continuité, finalement, c'est peut-être le côté engagement et militantisme entre les deux interventions. Donc Sophie a suivi nos travaux toute l'année, je crois, et s'intéresse au travail et à l'engagement des femmes enseignantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et va nous parler aujourd'hui de Marguerite Bouffard-Flavien, qui est une prof de philo, communiste, résistante, qui s'est défenestrée des locaux de la milice de Lyon en juin 44, à 32 ans. Et c'est une femme qui a donné lieu à une biographie, une biographie parue en 2009, appuyée sur des écrits correspondants, enfin écrits privés et puis écrits professionnels. C'est un livre de Christian Langeois, qui n'est pas à l'origine un historien, mais qui est un militant, militant syndical, donc qui a consacré des recherches autour des archives qui étaient disponibles à Caen au départ, hein, puisque Marguerite Bouffard-Flavien a été nommée à Caen, a exercé à Caen en 50 ans. Et donc il y avait un fond d'archives tout à fait intéressant, et des papiers privés. Alors, ce qui est arrivé tout récemment, j'ai été amusée de retrouver une figure importante dont on a déjà parlé dans le séminaire, dans un cadre tout à fait différent, c'est celle de Jeanne Chaton, dont on avait parlé à propos du comité du travail féminin dans l'intervention d'Anne Rebillard, puisqu'elle en a fait partie. Et Jeanne Chaton a été beaucoup plus tôt que ça, puisque le comité du travail féminin, c'est les années 60, a été la prof de philo de Marguerite Bouffard-Flavien à Lons-Saunier. Marguerite étant fille d'instituteur jurassien, donc elle était au lycée de Mont-Saunier, et elle avait comme prof de philo Jeanne Chaton. J'aime bien ce petit recoupement. Oui, on a l'impression qu'on s'éparpille, et puis non, finalement, je suis très contente quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, ça va, on est cohérent. Voilà. Donc, ce que va faire Sophie, c'est une lecture sociologique de ce parcours et de cette biographie en s'interrogeant sur les interactions, les interférences entre l'engagement politique, le militantisme et puis cette fonction enseignante. Alors Marguerite a été révoquée donc pendant la guerre, elle n'est pas enseignante, mais il se trouve qu'internée dans les camps où elle passe, elle fait de l'enseignement auprès de ses co-détenus. Voilà, Sophie, à toi. Donc, juste un mot pour dire quand même pourquoi est-ce que j'ai eu accès à ce fonds d'archives privées. Donc, Christian Langeois est un ami, et on a eu des discussions amicales où j'ai suivi son travail très intéressant de biographie de Marguerite Bouffard-Flavien. Et en fait, en écoutant, il me racontait une histoire d'enseignante. Donc forcément, comme je travaille sur les enseignants, ça m'intéressait particulièrement. Et plus il me racontait des choses sur Marguerite, et plus je trouvais qu'elle avait vraiment... c'était pratiquement un idéal type à elle toute seule, au sens de Weber. Et ensuite, donc, j'ai paru son ouvrage. Bon, j'ai eu accès aux lettres en avant-première. Et puis, ensuite, il m'a offert gentiment de pouvoir travailler sur un fonds complémentaire d'archives privées qu'il avait récupéré, qui, en fait, sont des ses notes de cours, ses cahiers de préparation donc, dans sa formation d'élève pour devenir ensuite élève à l'UNS, philosophe. Voilà, en gros, c'est... J'ai à la fois fait un travail d'analyse secondaire des lettres, mais en partant de sa formation, du temps de sa formation. Alors, donc moi, je vais bien sûr pas du tout emprunter le chemin qu'a emprunté Christian Langeois, qui s'intéresse beaucoup à la militante résistante communiste, et donc forcément que les concepts de résistance, de contournement, d'insubordination, qui sont très développés dans la sociologie contemporaine, sont immédiatement opératoires. Moi, je me suis centrée vraiment sur l'enseignante. l'enseignante, ses années de formation, et puis comment est-ce qu'elle va, d'une certaine façon, continuer à être enseignante malgré le fait qu'elle ne soit vraiment bien. Donc, j'ai essayé d'informer la question suivante. Comment se tricotent les interférences entre les compétences philosophiques progressistes, matérialistes, acquises pour son enseignement en tant que philosophe et la confrontation aux conditions exceptionnelles de l'exercice du métier à cette période. Alors, j'ai fait passer un petit plan parce que normalement il y avait un PowerPoint. Donc en fait, grâce à ces documents, vous pouvez vous rendre compte des points sur lesquels je vais insister. Donc en gros, je vais regarder ce qu'il y a dans ces archives privées qui informent le point de vue de Marguerite en termes de rapports sociaux et de sexe. Je vais regarder ce qui informe donc ces archives en termes de rapports sociaux de classe, et puis je vais aussi m'intéresser donc à l'enseignante qui a acquis donc des compétences professionnelles d'enseignement pédagogique et comment elle est. Je retrouve cette attitude pédagogique à la fabrique, parmi les siens, à la ferme et donc à la ferme de ses beaux-parents et en camp de prisonniers. Alors ensuite, vous avez une description des matériaux utilisés. Donc, le corpus de cahiers auquel j'ai eu accès était assez important, mais je n'ai sélectionné que les 6 cahiers de philosophie. Alors hélas, ils sont non datés. Ils sont rangés avec les autres, période 24-32, mais eux ne comportent pas de date. Je les ai sélectionnés parce qu'ils portent sur la philosophie, sa formation de philosophe, et puis ensuite parce qu'ils comportent de nombreuses annotations en marge et soulignements. Ensuite, j'ai eu accès à un corpus de notes de cours, donc la période probable, c'est la Cagne et l'ENS de Sèvres, date 32-35. Donc là, c'est un corpus très très très conséquent, 654 pages. Et là, j'ai sélectionné une liasse de cours. En fait, c'est philosophie de l'histoire. Et pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? Donc, je vous montre, c'est montré un petit peu dans les copies après. C'est parce que, contrairement aux autres cours de philosophie, il y a un développement très conséquent sur des analyses économiques, disons socio-économiques, avec des exemples et des indices. En termes d'encre, de rajout, etc., montre qu'elle elle a beaucoup, beaucoup travaillé et réfléchi à ces questions, non pas en termes, disons, de concepts philosophiques académiques, mais vraiment là, avec une analyse sociale, économique et sociale, et ça montre tout son intérêt pour cette question. Ensuite, je suis tombée sur une feuille de réflexion personnelle qui était en fait pliée dans son livre Critique du jugement de Kant. Alors, il y a une note qui est écrite par-dessus et de travers dans le document qui dit ordre du jour, organisation d'une discussion, balle, discussion, balle, fraternelle. Et qui donne donc de bonnes probabilités pour que ce soit une base de ces activités de professeurs en prison. Et puis évidemment, j'ai fait dialoguer ces corpus de, disons, de la professeure avec les lettres, les échanges de lettres de Marguerite avec ses parents et de Marguerite avec son mari. J'ai mis aussi. Un petit document, puisque Martine m'avait demandé de bien montrer le matériau. Ceci, c'était l'avantage de PowerPoint. Donc ici, par exemple, dans vous avez une petite note, réfléchir à l'enseignement en classe. Il y a des notes comme ça qui montrent qu'elle a dû utiliser ces notes pour, pas seulement en tant qu'élève, mais ensuite en tant qu'enseignante. Alors, je partirai du féminisme du jeune couple et du féminisme de son mari, Jean. Alors, très vite, il se marie en août 39 et il est mobilisé en début septembre 39. Donc, toute la relation conjugale va se passer par lettre. Malgré les conditions de censure, etc., on a quand même un matériau très conséquent. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est que Jean se trouve donc au milieu, dans un camp, donc avec des hommes, des camarades, soldats, il n'est pas encore prisonnier, et il est confronté donc aux représentations du discours de ses camarades sur le manque de leurs femmes, etc. Et il dit à Marguerite que lui, il se sent très éloigné donc, de ce genre d'attente vis-à-vis de sa femme. Et voilà ce qu'il lui dit. Regarde, alors c'est juste un extrait, regarde ta route, moi je n'ai pas de mérite, mais toi qui fus formé, pétri avec tout ce qui est en train d'être humain, enchaîne à la déraison, regarde, tu es libre, tu vis. Tu es libre et tu aimes librement, sans servitude, tu n'es pas la femme bourgeoise. Alors, un autre élément de la sélection des données qui informe sur le féminisme du jeune couple, et cette fois-ci c'est du point de vue de Marguerite, hein, c'est donc petite feuille que j'ai trouvée qui s'intitule « La femme vient ». Alors, la copie est peut-être mauvaise, hein, je ferai passer après le scanner, donc une photo du document original. Alors, ce document est assez intéressant si vous regardez son sous-titre. Ce qu'elle doit être, ce qu'elle est. Donc, en soi, c'est tout un programme qu'elle propose. Et là, on montre son sous-titre. Alors, pardon, c'est le féminisme de Marguerite. Annonce le programme. Dans l'organisation du document, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit, elle est donc là, en camp prisonnier, on voit la professeure à l'heure. Malgré les conditions épouvantables dans lesquelles elle se trouve, hein, il y a donc le plan et l'argumentation qui est très intéressante. Donc en fait, elle passe en revue la condition de la femme. Donc la femme riche, avec un certain nombre de considérations sur les toilettes, l'oisiveté. Et puis elle conclut, elles ne sont pas heureuses et elle fait donc une remarque sur le mariage, qui sont des mariages d'affaires. Et donc ce n'est pas le véritable amour. Alors là, je ne vais pas développer, mais là aussi, dans sa formation de philosophe, la question du véritable amour est quelque chose de très, qu'elle met sans arrêt en exergue dans ses cahiers, dans ses notes. Ensuite, elle poursuit sa démonstration en décrivant la situation de la femme misérable. Et donc, on voit bien qu'elle s'attache à décrire les conditions sociales des femmes qui n'ont pas de place, qui sont au chômage. Donc elle attache beaucoup d'importance à ce type d'aspect. Elle conclut toutes les femmes ne sont pas heureuses. Et quelle est l'attitude de la femme face à cette situation. Et de nouveau, on remarque la qualité de l'argumentation. La situation dans le code, c'est-à-dire au niveau de la loi. Elle poursuit également en notant qu'on est dans une situation de risque de retour en arrière. Donc notamment, elle fait la référence aux femmes en Allemagne où le retour à l'éducation des enfants, c'est vite. Et elle propose ensuite le double idéal féminin. Donc l'essentiel de son argumentation, c'est le travail et la politique. Il faut que les femmes travaillent, mais elle insiste pas trop, modérément. Ensuite, il faut que la société ou la femme travaille prenne en charge les enfants par l'école. Puisqu'elle est tout à fait consciente, elle l'a décrit plus haut, hein, des conditions très dures de la femme ouvrière, de la femme à la ferme. Et puis elle insiste ensuite, tout à la fin, sur l'importance de l'intérêt pour la vie politique. Alors elle explique pourquoi. Parce que la femme souffre. Alors ce qu'elle dit, elle permettrait d'introduire de la douceur. Ce qui me semble assez pédagogique de sa part, c'est que elle dit qualité de femme ne disparaîtrait pas. Ça me semble habile. Ensuite, elle revient en disant les femmes qui font de la politique parce que la société donc n'est pas belle, il faut la changer, il y a un idéal commun à défendre. Et elle revient de nouveau à la charge en disant toujours femme. C'est-à-dire qu'elle prévient les objections hein, qui peuvent lui être faites sur, par les autres femmes, hein, sur la condition féminine, est-ce qu'elle perdrait la féminité. Et ensuite, il y a tout un passage sur la question des enfants, et là aussi, ça me paraît habile pédagogiquement. Donc, j'irai très vite juste à la fin, où elle montre hein, que les femmes qui travaillent, les enfants sont beaucoup plus seraient beaucoup plus heureux avec une femme qui travaillerait, une fois passés hein, tous les dangers qu'elle décrit tout le long de sa démonstration. Alors, le troisième élément pour décrire ce contexte intellectuel féministe, c'est le creuset familial féministe. C'est-à-dire ce que j'ai un petit peu rappelé brièvement, c'est-à-dire que si on regarde la biographie familiale de Marguerite, son grand-père paternel est lui-même instituteur. Alors, son grand-père maternel est un communard d'Île-Rouge. Il a été révoqué des chemins de fer et ça a plongé la famille dans une misère profonde. Et donc, la mère de Marguerite devait aider à la boutique. Il n'était pas question qu'elle aille à l'école. Et donc, elle faisait le travail à la boutique, mais le soir, elle travaillait les cours d'une petite copine. Et devant donc cet acharnement à vouloir devenir institutrice, eh bien, ce communard d'Île-Rouge, donc le grand-père, va décider de soutenir le projet de sa fille contre toute la famille. Et donc la mère de Marguerite va devenir le premier maillon finalement de cette mobilité sociale ascendante par les femmes devenant institutrice. Alors, Marguerite, donc, à sa mère institutrice, qui s'est mariée avec un instituteur qui deviendra directeur d'école d'application. Et ce couple va soutenir la scolarité de Marguerite, hein, évidemment, qui va se révéler tout à fait brillante. Alors, il y a simplement un petit bémol au féminisme, en tout cas des parents de Marguerite, parce qu'elle veut devenir médecin. Elle a une scolarité brillante, elle veut devenir médecin, et ça, ils disent non. Ce n'est pas un métier de femme, et donc ils l'obligent à devenir prof. Et donc, elle obéit, et elle va continuer à transgresser d'une certaine façon l'injonction des parents, et elle va se distinguer en demandant de préparer une agrégation de philosophie, qui alors demande une dérogation, puisque ce n'était pas... pour les filles. Donc ça c'est un aspect donc, de Marguerite et je poursuis toujours regardant dans ces notes de cours, cette fois-ci sur la construction intellectuelle autour de ce qu'elle a mis en exergue en très gros dans un de ses cahiers, travail égale liberté. Et en fait, quand on procède à une analyse textuelle, donc c'est les documents que vous avez après, c'est-à-dire j'ai relevé les mots qui étaient mis en exergue, souligné, entouré ou écrit avec une encre différente. Et vous avez donc le résultat. Et dans ce résultat, alors bien sûr, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé et j'avais surligné, alors je ne sais pas si ça apparaît, donc le mot travail, quelque chose de fondamental, et liberté, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion pendant toutes ces années de formation sur l'émancipation, la question de l'émancipation, la revendication des droits. On voit aussi toute sa philosophie matérialiste, hein, tout travail est corporel, le monde n'est pas un rêve parce qu'il est dur à former, et ici je n'ai pas rajouté dans les documents que j'avais préparés aujourd'hui, mais par exemple dans ses lettres, elle dit à ses parents, dès le début du conflit, alors qu'elle est en situation très délicate professionnelle, elle est séparée de son mari, elle dit... elle ne veut pas se laisser aller à des rêves. Ne laissons les pensées pensives. Et donc, toute son écriture est une écriture joyeuse, ferme, directe, simple, très concrète. Jamais, comme elle dit, dans les pensées pensives. Et donc, quand on est plongé dans ces archives personnelles, eh bien, on n'est pas surpris. D'une certaine façon, on voit un petit peu la filiation. Toujours hein, dans les mots-clés qui ressortent très nettement dans les corpus de notes, donc là, je vous dis 624 pages, donc c'est pareil, hein, un intérêt très fort pour le matérialisme, le travail, une réflexion sur la femme et les enfants, mais ça, c'est quand même... C'est mis en exergue, je l'ai noté, mais c'est pas central. Et sur une lecture du Capital, où elle reprend hein, une phrase du Capital, de Marx, hein, car j'ai dessein d'expliquer les effets par leur cause et non les causes par leurs effets. Donc ensuite, vous avez le document extrait du cours de philosophie d'histoire, et qui est en fait un complément qu'elle développe énormément, qu'elle intitule donc la marche des événements. Et là, elle fait tout un, parce que je ne vous ai pas tout mis, mais elle fait tout un développement historique hein, pour démontrer comment les causes engendrent des effets. Donc ici, j'ai simplement mis ce document. Qui résume assez bien sa façon de construire son analyse. Donc, il faut faire une analyse des classes, la classe qui écrase les autres qui essaient de se défendre. Il faut regarder le rôle des grands bourgeois. De la même façon, il faut utiliser tout ce savoir historique pour comprendre notre époque, et on en arrive donc au bas du document où elle dit « conférer fascisme ». Il faut regarder donc le rôle respectif des facteurs économiques, il faut repérer les contradictions du régime économique, folie de l'argent, surproduction, crise, les malheureux qui s'éveillent, seul moyen alors il y avait une barre, hein, il y a une barre, dictature, contre la dictature, et le fascisme. C'est l'arme du capitalisme agonisant. Ensuite, vous avez un document, vous voyez très nettement un hein, rajout, où elle insiste hein, sur la question de l'humanité, sur la lutte, qui est aussi un mot clé dans sa correspondance et dans le temps de sa formation. Donc, j'en arrive au troisième point, où là... Je regarde ce que toute cette formation trouve comme lien dans son rapport à sa profession enseignante et puis aux autres, puisque sa vie va être, son trajet va être un peu en rupture. Alors, elle est révoquée, puisqu'elle ne veut pas signer allégeance donc à Vichy, etc. Donc, voici ce qu'elle crie à son mari. Le proviseur et la directrice voulaient me séquestrer pour X mois afin d'obtenir le non-lieu. J'ai refusé, scène de près de 2 heures. Pour eux, je suis une hallucinée. Ils m'ont donc abandonnée. Nous pouvions peut-être sauver Madame Flavien, professeure du lycée. Nous ne pouvons et ne voulons rien tenter pour Madame Flavien, ouvrière de bonneterie et autre chose. Ils en éprouvent un grand regret, je le vois, mais avant tout, leur classe, pas de haine chez eux, une coquille, mais une totale incompréhension, comme avec ma mère, c'est pire que la haine, cette petite bourgeoisie est plus lamentable que l'autre. Ensuite, voici ce qu'elle écrit à son mari. Même si tu n'obtiens pas le grade, donc son mari, on lui propose de suivre des cours pour obtenir un grade un peu supérieur à celui de soldat. Donc, dans toute sa correspondance, il lui raconte comment, et il joue l'élève vis-à-vis de Marguerite, donc ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a aussi un jeu de rôle dans le couple où elle est vraiment la pédagogue aussi de son mari. Donc, voici ce qu'elle lui répond. Même si tu n'obtiens pas le grade, les cours ne te nuiront pas. C'est encore une technique. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une technique utilisable un jour. Après tout, je ne regrette même plus d'avoir poursuivi mes études et d'avoir été 4 ans professeur. J'y ai à bien réfléchir, appris quelque chose. J'apprécie cette expérience maintenant qu'elle est terminée. J'en acquiers une autre actuellement. Dans quelle catégorie sociale vas-tu m'étiqueter, toi qui te plaisais à me surnommer intellectuel? J'en ris de ces expériences qui se recouvrent et s'harmonisent malgré les apparences. Donc ensuite, elle rappelle que sa mère essaye de la rappeler à la raison. Et supplication, malédiction, elle traduit remarquablement la petite bourgeoisie de 1940 et Marguerite ne cédera jamais. Et dans son parcours, elle sera réhabilitée, elle sera emprisonnée, réhabilitée, et elle refusera tous les postes qui lui seront proposés. Donc, elle se retrouve, elle demande une place comme dans une bonneterie, et donc elle se retrouve ouvrière. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que parfois elle est en situation d'être pédagogue des autres, et là, elle est aussi toujours élève. Alors, elle apprend à l'école du travail ouvrier et dans de très longs développements, donc là vous n'avez qu'un extrait, elle raconte à son mari. Donc, la condition ouvrière, chaleur, vapeur brûlante, engourdissement des jambes, à rester assis mobile, debout et crispé, tu te dépêches, la fatigue, le manque de temps, le besoin de vivre animalement, 1 heure par jour, de manger et de dormir. Mais elle est aussi, et ça c'est très net dans toute sa trajectoire, c'est une meneuse qui sait faire des conférences, elle fait des conférences au parti, pour le parti communiste, et elle est professeure. Donc elle arrive et voilà ce que comment elle se comporte comme pédagogue à la fabrique. Drame toute la matinée, les femmes contre nous formeurs, donc ils formaient les bas, les formeurs contre les femmes, division. À 11h30, je vais donc près d'elle et leur explique, il leur explique que je regrettais de leur avoir gâché leur boulot sans le vouloir et qu'à l'avenir, connaissant mieux le métier, je ferai mieux. J'y mettrai le temps, quitte à sacrifier mon nombre de douzaines, c'est-à-dire mon salaire. Si tu les avais vues, jamais on ne leur avait parlé ainsi. Elles étaient complètement retournées. Mais l'histoire prouve encore la possibilité de supprimer la division entre les ouvriers, sinon la contradiction capitaliste, car depuis cette explication, il n'y a pas plus camarade que moi avec les autres. Alors, ensuite, en suivant Marguerite, on s'aperçoit qu'elle est pédagogue d'elle-même. Elle vient de recevoir sa paie pour ce travail à la bonneterie. Et voici ce qu'elle dit à son mari. Alors, je voulais te faire un cadeau. La tradition du cadeau de la paie prenant aujourd'hui une valeur particulière. Seul Germinal répondait à ce que je sens en moi, car le héros est un jeune homme qui n'a jamais travaillé à la mine et qui souffre, qui s'y adapte et essaie d'aider ses camarades de misère. Alors, elle est également en permanence pédagogue en famille. Elle y professe la joie de vivre à ses parents. Elle est toujours en situation, dans ses lettres, conforter les autres, les soutenir, les aider. Ne vous surmenez pas, prenez la vie du bon côté. Je notre mère. Donc voilà, il y a des coupures. Et là, elle est en train donc d'essayer de remonter le moral à ses parents. Ensuite, voici ce qu'elle dit, toujours, alors là c'est à son père. « Vraiment, je suis contente de te savoir en retraite, papa. » En fait, il vient d'être mis à la retraite d'office. Matériellement, avec les difficultés d'approvisionnement, chaque maison exige un intendant ou un homme de ménage, comme tu dis. Et puis, moralement, l'enseignement doit avoir si peu de charme. Donc, mieux vaut cultiver son jardin. Sa philosophie. Alors, elle se retrouve à un moment donné, puisqu'elle est également. Elle retourne à la ferme de ses parents, de ses beaux-parents, pardon. Elle quitte donc la bonnetterie. Et voici donc ce qu'elle en tire hein, comme enseignement. Au fond, j'ai de la veine d'être devenue cultivatrice. En cela, professeur, aujourd'hui, je risquerai de sucer les cailloux le mois prochain. De toute façon, un traitement ne signifie pas grand-chose. L'argent file à une telle vitesse. Et puis, quelle philosophie enseigner ? Mieux vaut philosopher avec ses veaux et ses lapins avant de les manger. Alors ensuite, elle dit elle n'a jamais été aussi costaud. Hein, pourtant, on voit hein, dans les autres lettres que c'est un travail extrêmement dur. Hein, parce qu'elle c'est quand même pas son métier premier, sa première formation. Elle fait tout hein, dans la ferme. Pour le moment, nous avons la joie d'envoyer les colis et de nourrir un peu ceux, deux, trois, qui en ont besoin. Le proviseur est venu aujourd'hui avec son fils en chercher deux grands sacs pour elle et pour lui. Heureusement qu'il y a des professeurs suspendus pour nourrir les autres et leur chef, l'histoire et sa volonté. Et puis, donc là, je finirai sur Marguerite, pédagogue en camp de prisonniers, dont vous en avez vu un petit extrait avec donc, sa note de cours sur la femme moderne. Voici ce qu'elle dit. « Je rentre du bal, oui. Il a fallu le camp pour me relancer dans les bals et autres divertissements dont je suis un des ornements les plus brillants. Cet après-midi, je jouais en mariée au village. Pourtant, je n'ai guère le cœur à rire pour beaucoup de raisons que vous connaissez. Seulement rire et davantage faire rire est un devoir autant qu'instruire. Tout à l'heure, j'ai distribué dans chaque bâtiment l'emploi du temps de notre université. Elle fonctionnait en petit depuis 15 jours. Elle s'ouvre demain en grand. Lecture, grammaire, littérature, anglais, allemand, sténo, calcul, oral, gymnastique, rien que cela. Et chaque soir, une causerie sur un point d'histoire, de littérature, d'hygiène, de technique, de l'art. » Et puis, donc là, elle était au camp de la Lande, mais comme elle est un peu trop turbulente, elle est déplacée. Et donc là, elle se retrouve au camp de Mérignac. Elle continue ses activités de pédagogue. Elle demande à ses parents donc, de dissimuler également quelques petits livres de la collection Larousse. « La direction m'a raflé tous mes livres, même les romans d'amour et les exercices de calcul. » Bref, enfin, elle dit qu'on peut peut-être tourner la censure. « Je m'occupe constamment. Je n'ai même plus le temps de raccommoder. Cours, causerie, fête, préparation. Je m'en donne à cœur joie. » Enfin, pour finir, à force de gymnastique intellectuelle, nous arrivons à vivre intensément. Quelle joie d'avoir pu se cultiver et de permettre à d'autres d'en profiter. Quand ces autres sont des femmes aussi courageuses que malheureuses, ces femmes du peuple ardentes à s'instruire autant qu'à agir. Je bénis le sort de qui m'a octroyé le bénéfice d'une éducation bourgeoise pour me placer ensuite au milieu du peuple et rapprocher de son âme. Donc voilà, j'ai essayé donc de ne pas dépasser le temps, juste un petit mot pour conclure. En quelque sorte, ce qui m'a intéressée, c'est de voir à l'œuvre, à la fois dans ses années de formation et puis ensuite dans ces quelques années qui n'ont pas été nombreuses hein, de vie d'adulte, salarié, de voir à l'œuvre l'utopie au travail et comment ça passait dans ses écritures. Voilà. Merci. Je pense que.